Avant d'écouter votre podcast, Écosystème nous suggère de faire le vide. Et oui, durant ces deux mois d'été, l'éco-organisme Écosystème nous propose de libérer de nos placards, caves et greniers tous nos appareils électriques hors d'usage pour les recycler. Toutes les solutions de recyclage sur écosystème.fr. Les grands feuilletons de France Culture. Le mystérieux docteur Cornelius. XVIIe épisode, la bodega du vieux grillage. Lord Buridan a donc déclaré la guerre à la main rouge. Après être rentré en possession de sa fortune, il a quitté le Canada pour New York, où il a retrouvé enfin son ami le poète Agénor Marmousier. Il a maintenant fait la connaissance de Fred Yorgel, de Harry Dorgan et des Français. Tous ensemble, ils se sont mis d'accord pour unir leurs efforts afin de délivrer le professeur Bondona et d'anéantir la main rouge. Ils ont maintenant quitté New York et se sont réunis dans une propriété que possède Fred Yorgel dans les environs de San Francisco. Là, dans le plus grand secret, ils préparent les plans de la conquête de l'île des Pendus. Pendant ce temps, dans une chambre d'hôtel, à San Francisco même, les frères Cram. Enfin, que fait-il? Il devrait déjà être arrivé. Voyons, Cornelius, le train a peut-être du retard. N'oublie pas qu'il vient de New York. Mais je le sais bien qu'il vient de New York. Pourquoi me dis-tu cela? C'est loin, New York. Écoute, Fritz, ce n'est pas le moment de plaisanter. Nous avons rendez-vous là-bas dans une heure. Allô? Oui? Ah! Ah! Enfin, faites-le monter immédiatement. C'est Baruch? Oui. Ben, mais... tu vois, il n'y avait aucune raison de s'impatienter. Oh, oh. Entrez! Ah, entrez, mon cher Baruch. Alors, bonjour. Que se passe-t-il? Pourquoi m'avez-vous demandé de venir d'urgence à San Francisco? La situation est donc si grave, hein? La situation n'est pas grave, mais elle est suffisamment sérieuse pour que nous ayons tenu Fritz et moi-même à ne pas vous laisser à l'écart. Ouais, comme vous nous l'avez déjà reproché. Mais enfin, docteur, pourquoi tant de mystère? Expliquez-vous. Du calme, Baruch, mais du calme, du calme. Asseyez-vous. Oh. Asseyez-vous. Oh. Je suppose que ce long voyage en train vous a fatigué. Porte-moi, moi, fatigué? Enfin, voyons. Très bien. Alors voilà, vous savez que nous traversons, enfin, je veux dire, la main rouge traverse une crise sérieuse. Oui. Des centaines des nôtres sont inquiétés tous les jours. Et si nous ne réagissons pas immédiatement, cela risque de devenir inquiétant, même pour notre sécurité. Vous savez aussi qui a déclenché cette campagne contre la main rouge. Bon, enfin, évidemment, mon père. Enfin, le vrai. Oui, je le sais. Oui, Fred Yorgel, votre vrai père. Oui. Mais il n'est pas le seul. Oui. Il n'est pas le seul. Tous nos ennemis se sont unis à lui. Et je dirais même mieux, ils ne se quittent plus. Tenez, regardez cette carte. Oui. Vous voyez cette marque rouge à une dizaine de kilomètres de San Francisco. Oui, eh bien, je vois, Golden Cottage. Et qu'est-ce que c'est, un village? Mais non, c'est la résidence de Fred Yorgel. Une superbe propriété de style colonial. Le quartier général, d'où il dirige les opérations qu'il mène contre nous. Et maintenant, prenez connaissance de cette liste. Oui. C'est celle des invités de Golden Cottage. Alors, Henry Dorgan, Isidora, Agénor Marmousier, Antoine Pagano, Roger Ravenel, Frédéric Bondona, André de Maubreuil. Méfiez-vous, Baruch. Méfiez-vous. Avec les préoccupations que nous avons, la question femme doit être soigneusement écartée. Du moins pour l'instant. Bon, continuez. Bon, je continue. Oscar Tournesol. Ah, oui, le bossu. Ah. Lord Bury Dan, hein, Clum. Ah, oui. Ils ont donc réussi à revenir du Canada, ces deux-là, hein? Oui. Oui, là encore, ça a été un échec. Et le faux Baruch, Joy Dorgan, où est-il? Il est resté au Canada, mais nous le surveillons de loin. Bien, je vois. Mais alors, que comptez-vous faire? Qu'en pensez-vous, Baruch? Bon, bah, théoriquement, c'est simple. Puisque nos ennemis sont maintenant tous réunis au même endroit, il doit être possible de les éliminer tous ensemble, non? Oui, nous y avons pensé, seulement ce n'est pas réalisable. D'abord, cela risquerait d'attirer l'attention sur la main rouge et ce n'est pas le moment. Ensuite, nous n'avons personne dans la place, à l'exception d'un homme qui nous fournit les renseignements, mais qui n'est pas des nôtres, Edward Edmund. Vous vous souvenez de lui? Ah oui, oui, oui, oui, oui, le concierge que cela faisait chanter. C'est cela. Ah. Eh bien, Edward Edmond est devenu l'homme à tout faire de Fred Jorgel. Il le charge même de missions de confiance. Ah bon? Ah, et que comptez-vous faire alors? Attendre. Attendre? Mais attendre quoi? Vous allez comprendre. Actuellement, Fred Jorgel fait construire une espèce de super yacht de guerre qu'il a baptisé La Revanche. Bon. Le but de l'opération est d'embarquer tout le monde à bord du bateau et d'aller attaquer l'île des pendus pour délivrer le professeur Bondona. Mais il faut les en empêcher à tout prix, voyons. Ah, mais attendez, attendez. D'abord, ils ne sont pas partis. Nous avons beaucoup des nôtres dans le chantier naval qui construit La Revanche. Et ma foi, un sabotage par-ci, un sabotage par-là. Et La Revanche n'est pas prête de prendre la mer. Peut-être, mais ils finiront bien par partir un jour. C'est parfaitement exact, et nous y avons pensé. Au fait, Baruch, vous êtes allé à l'île des pendus. Savez-vous exactement où elle se trouve? Eh bien, du côté du pôle Nord, non? Oui, oui, en effet. Mais je suis sûr que vous ne connaissez ni sa longitude, ni sa latitude. Et aucun de nos ennemis, pas même Lord Buridan qui y a séjourné, ne le sait. Vous vous souvenez de Johnny et Charlie, les faussaires de l'île des pendus? Oui, vos sosies. C'est cela. Eh bien, nous leur avons fait rédiger une fausse lettre, soi-disant de Bondona, dans laquelle il indique à ses amis l'emplacement exact de l'île. Mais pourquoi leur avoir donné ces indications? Il leur a mieux valu tout de suite. Oh, voyons, Barry, vous n'imaginez pas que nous leur avons donné les vraies coordonnées de l'île, tout de même. Oh, non. Ils sont maintenant persuadés que l'île des pendus se trouve dans le voisinage du cercle antarctique. Entre le Cap Horn et la Terre de la Désolation. mais c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Ils vont naviguer pendant des années sans rien trouver. Ils ne navigueront pas si longtemps. Mais que voulez-vous dire? Vous allez le savoir. Venez, il est temps de partir. Hein? Docteur Cornelius, où allons-nous? À la Bottega du Vieux Grillage. C'est le plus ancien cabaret de San Francisco. Il a survécu à tous les tremblements de terre. Vous verrez, c'est un endroit très pittoresque et surtout très pratique. La grande salle est séparée du bar et des cabinets particuliers par un grillage. Nous avons réservé un de ces cabinets particuliers d'où nous pourrons voir sans être vus. Bon, allons-y. Ah, j'oubliais. Prenez cette écharpe, ces grosses lunettes d'automobiliste. Et moi, je prends ce feutre. Il ne faut pas que l'on puisse nous reconnaître. Venez. Vous voyez ces trois hommes à la table là-bas, Baruch, à gauche? Oui. Les trois qui boivent du punch en fumant des cigares de manille. Eh bien, celui qui a l'air d'un employé de banque avec des favoris blonds, c'est Edward Edmond. Et ce vieux, la tête de pirate, qui parle avec lui, qui est-ce? Ah, ça, c'est le capitaine Christian Knox. Et il est célèbre dans tous les bouges de San Francisco. Il a été soupçonné plusieurs fois d'assassinat. Et il passe pour faire de la piraterie. Et le troisième? Je ne sais pas. Un quelconque matelot, sans doute. Monsieur Edward Edmond, j'ai visité aujourd'hui le chantier où l'on construit le fameux yacht. Eh bien, vous n'aviez pas exagéré. C'est qu'on ne ménage pas les montantes. Tout est de première qualité. D'après ce que j'en ai vu, c'est un bateau qui filera facilement ses 30 nœuds à l'heure. Mais, par exemple, je me demande à quoi pourra servir à Paris. Ah, ça, c'est vrai, on dirait tout à fait un bateau de guerre. Oui, on me dirait que ce yacht-là est destiné à couler bas les jonques chinoises et les voiliers anglais dans les parages de la Polynésie. Ça ne me surprendrait pas. Mais qu'est-ce qui vous fait croire une pareille chose? Oh, je suis un vieux macaque. À qui on ne la fait pas? Votre dernier bateau ne ressemble ni à un yacht de plaisance, ni à un vapeur de commerce. Mais enfin, vous devez bien savoir à quoi il servira. Mais je vous ai déjà dit que je l'ignorais. Mais que diable! Vous devez bien connaître ceux qui le font construire. Oui, ça se pourrait, mais je n'ai pas le droit de vous le dire. À votre aise. Seulement ces cachotteries-là ne me plaisent pas. Bon, enfin, vous avez vu le bateau, vous êtes au courant des conditions. Maintenant, il me faut votre réponse. Ça vous dirait rien de vous embarquer avec nous en qualité de premier lieutenant? Pas question. Moi, quand je prends la mer, c'est pour mon compte. Et sur un bateau à moi, je vais recevoir d'autres de personnes. Comme il vous plaira. Et vous, Hardy, qu'en pensez-vous? Que diriez-vous d'un engagement de 3 mois avec double solde, nourriture de premier choix et pas trop de fatigue. Ah ben moi j'en suis. C'est pas tous les jours qu'on trouve une occasion pareille. Eh ben c'est entendu. Vous passerez demain à mon bureau signer votre engagement. Monsieur Slug, vous ici vous... Comme vous voyez, et je suis ravi de vous rencontrer. J'avais justement quelque chose à vous dire. Vous avez bien un instant? Hein? Excusez-moi, messieurs, je vous le renvoie dans très peu de temps. Venez, venez. Tenez, Edouard, cette table est libre, nous y serons très bien, asseyez-vous. Oui. Bon, venez-en, en fait. À ce que je vois, vous n'occupez plus les honorables fonctions de concierge en chef chez le milliardaire Fred Jorgen. Non, non, non, non. Mais vous vous êtes fait recruteur de matelots. Qui vous l'a appris? Peu importe, bon, je continue. Fred Jorgel vous a donc chargé de lui trouver des gaillards solides et honnêtes pour une mystérieuse expédition dont le but vous est d'ailleurs parfaitement inconnu. Oui, c'est vrai. Eh bien, mon cher Edouard, je me suis mis en tête de vous aider dans votre tâche. Et j'ai des raisons de croire que vous suivrez mes conseils à la lettre. Ainsi, par exemple, ce... Hardy que vous venez d'embaucher. Oui, ben, j'en veux pas. Mais pourquoi ça? Pourquoi? Parce qu'il me déplaît, tout simplement. Mais rassurez-vous, vous ne perdrez rien. Vous touchiez 1000 dollars par mois pour me laisser examiner le courrier de Fred Jorgel, hein? Vous en toucherez 2000, à la condition de n'engager que les marins que je vous désignerai moi-même. Qu'est-ce qui serait dommage? Que vous ne puissiez plus lui offrir ce qu'elle vous demande. Vraiment dommage. Alors, quelle est votre décision? J'accepte. Vous n'avez qu'à commander, je suis votre ange. Je savais bien que vous étiez un homme raisonnable. Eh ben, je vous laisse avec vos amis. Hein? À très bientôt. Eh bien, Mr. Slug, avez-vous réussi? Oui, Miller. L'Irlandais sera désormais le plus fidèle des esclaves de la Mer Rouge. Il n'avait pas l'air très décidé. Oh, il suffit qu'on parle à Edward, Edmond de la Doriva, pour le rendre docile. Il est fou de cette fille. Elle lui mangera jusqu'à son dernier dollar et le conduira à la potence. Tenez, regardez-la, il se précipite vers elle comme un petit chien. C'est bien, Slug. Vous pouvez vous retirer demain. Lord Buridan est bien Slug, il voudrait mieux qu'il ne vous rencontre pas. Sortez par derrière. Dites-moi, c'est Oscar qui est avec lui là-bas? Et le troisième, qui est-ce? Agénor Marmousier, le poète. Ah. Le secrétaire de Fred Jorgel. Allons, venez, nous n'avons plus rien à faire ici, partons. Alors, ce champagne, il arrive? Qu'est-ce que c'est encore que cet établissement? Pas mal, cette danseuse espagnole. Qu'en pensez-vous, Agénor? Tout à fait d'accord avec vous. Ah ouais, danse bien, vous avez vu comme elle trémousse des hanches? Oh, bah dites donc, ils se croient à la messe de changer de trémerie. Tu as raison, Oscar, on ne peut plus s'amuser ici. Nous n'aurons pas assez de toute la nuit pour visiter tous les bouges de San Francisco. Allez, allons-y. Ouais, on se casse. On commence à s'ennuyer. Extraordinaire! Vous avez vu cette négresse? Oui, elle mousse bien aussi, celle-là. Elle est complètement en transe. En effet, extraordinaire. Ah, ça, c'est du spectacle. Ouais. Allez, champagne pour tout le monde! Bien quoi? Pourquoi nous regarde-t-il comme ça? C'est un scandale! Dehors! Faites sortir ces fêtards! Vous n'avez pas le champagne? Alors, messieurs, sortez! Vous voyez bien, vous perturbez une cérémonie religieuse! Oui, une cérémonie religieuse! Ça alors, une cérémonie religieuse. Eh bien, c'est le meilleur numéro de musical que nous ayons vu ce soir. Attention, regardez ce vieux qui vient de notre côté. Qu'est-ce qu'il tient? Il va nous rentrer dedans, c'est sûr. Espèce d'imbécile, vous pouvez pas regarder devant vous. Oh, ça, c'est un comble. Il nous bouscule et il nous engueule. Allez, pousse-toi de là. Sac à vin. Quoi, moi, un sac à vin? Répète un peu. Moi qui ne bois jamais que du gin, et encore, avec de l'eau. Ah, vous allez voir ce que vous allez voir. Eh bien, allons-y. Et voilà, KO au premier round. Vous avez vu dans quel état vous m'avez mis? Comment pourrais-je me présenter dans le monde maintenant? Le Red Gentleman se reconnaît à une tenue impeccable. Ah, vous allez me payer ça! Vous voulez qu'on recommence? À votre service. Attendez, attendez! Je le connais, c'est le Père Sleary. Lâchez-le, Milord. Ah, si c'est un de vos amis, c'est différent. Mais qui êtes-vous donc? Mais comment, Monsieur Sleary? Mais vous me reconnaissez pas, je suis Oscar Tournesol! Un des plus brillants élèves du Gorille Club. Mais si vous savez bien, l'élève favori du célèbre clown Boombridge. Monsieur Oscar. Ah. Oh, t'admets, je vous reconnais parfaitement. Monsieur Sleary. Qui prenez vos amis pour des bandits. Monsieur Sleary, où êtes-vous donc? Dépêchez-vous de rentrer, vous avez assez bu comme ça. Mademoiselle Régine. Oh, monsieur Oscar, comme je suis contente. Vous ici, à San Francisco? Ben oui. Permettez-moi de vous présenter mes amis, Laura Storburidan et Monsieur Agénormand Mousier. Enchanté, mademoiselle, enchanté. Permettez-moi de vous inviter à déboucher une bouteille de champagne dans ce bar, là. Monsieur Sleary en aura bien besoin après toutes ces aventures. Et vous nous raconterez les vôtres, hein? Je sens qu'elles seront passionnantes. Tellement passionnante, mes aventures. Mon établissement du Gorille Club a été vendu. Je devais 3 termes à mon propriétaire. Il n'a pas toujours été très sage dans mon administration. Je suis un artiste, moi, que voulez-vous? Tu mets l'insistant pas. Ah bah c'est ça, insistons pas. Dites-moi plutôt comment il se fait que vous soyez à San Francisco. Alors, putain, mais je ne me suis pas laissé abattre. Et avec tous les pensionnaires qui se trouvaient sans emploi, j'ai monté une troupe de premier ordre. Nous avons eu des succès très brillants à Chicago. Mais quand c'est la déveine... C'est la déveine. À San Francisco, ça a été la débâcle. Notre caissier a mangé la grenouille. On a refusé de nous louer des salles. Et où en êtes-vous maintenant? C'est la misère, Milan. Il y a des moments où je songe au suicide. Adossi, ne soyez pas étonnés. M'avoir rencontré dans un état de débriété peu digne d'un vrai gentleman. Je bois pour oublier mes chagrins. Non, mais la vérité, c'est que toute notre troupe est prisonnière d'un tenancier d'hôtel qui nous a confisqué tous nos costumes et nos accessoires. Il nous accable tous les jours de reproches et ne nous accorde plus à chaque repas qu'une quantité de nourriture dérisoire. Bon, bon, eh bien, allons voir ce tenancier. Nous allons lui faire changer d'avis. Le voilà, c'est lui. Te voilà que t'y frognes et tu ramènes chez moi d'autres crèves la fin de ton espèce. Mais cela ne sera pas terre tout fait. Allez, t'es hors. Lâchez-le. Combien vous doit, monsieur Sleary? Combien? 100 dollars. C'est bon. Et voici. Mais je vous préviens, si vous ne montrez pas envers moi et mes amis la plus exquise politesse, je vous gratifierai de la volée la plus magistrale que vous ayez jamais reçue. Ya, que votre honneur veuille bien m'excuser. Si votre honneur veut bien se tonner, la peine t'entrer. Je n'ai voulu parler que de ces coquins d'acrobates. Tâchez d'être plus respectueux envers mes amis les acrobates. Ya. Espèce d'infâme taulier. Allez, conduisez-nous. Ya, ya. Voici ma troupe. Vous voyez, ils n'ont pas l'air très heureux. Je ne vois rien ici. Hola, taulier! Allumez-moi tous ces becs de gaz qu'on y voit clair. Allez, plus vite que ça. Un souper pour tout le monde et que le champagne coule à flot. Depuis le temps qu'on en parle de ce champagne. Et tâche que boisson et victuailles soient de premier choix. Sinon tu auras affaire à moi, hein? Merci. Taulier, on rencontre le champagne. Et dis-moi, Oscar, si tu me présentais tes amis. Bah avec plaisir. Voici Goliath, l'homme le plus fort du monde. Regardez ses biceps, ils ont un mètre de tour. Bravo. Fulguras, l'acrobate salamandre, la torche humaine. Il est aussi à l'aise au milieu du feu que si c'était son élément naturel. Enchanté. Bob Orwett, le nageur émérite, surnommé le triton des temps modernes. C'est moi. Romulus, l'obus vivant qui se fait charger dans un canon et projeté en l'air. Il saisit au vol un trapèze, il exécute les exercices les plus périlleux. Alors, j'ai entendu parler de vous, monsieur. Les frères Makoko et Kambo, ils sont incomparables dans leur numéro de singe acrobate. Le prestidigitateur Matalobos, le jongleur chinois Yang Kai, les frères Robertson. Et permettez-moi enfin de vous présenter monsieur Bumbridge, le maître et l'exemple de toute cette lignée d'acrobates. Enchanté de vous rencontrer enfin, Mr. Bumbridge. Oscar m'a beaucoup parlé de vous. Mais dis-moi, Oscar, dis-moi, tu ne me présentes pas les dames? Ah, mais si, vous connaissez déjà mademoiselle Régine Bumbridge, qui est une écuyère extraordinaire. Ses deux équipières, Isabelle et Olga. Oh, ravissantes, toutes les trois. Et qui est cette belle brune-là? C'est mademoiselle Nudita. Elle est admirable dans ses danses lumineuses. Mademoiselle Winnie, l'équilibriste. Enchantée. Elle est très célèbre, vous savez, elle a traversé le Niagara sur une corde tendue, comme le français Blondin. Ah oui, j'en ai entendu parler. Mes amis, si on donnait un spectacle à Lord Buridan et à mon ami Agénor Marmouth... Oh, allez, ouais, c'est une bonne idée. Ah, mais nous n'avons pas de costume. Mais du d'accessoire. Attendez, je vais arranger ça. Taulier, ya, votre honneur. Vous allez me faire le plaisir de rendre leur matériel à mes amis les acrobates. Ya, tout de suite, matériel, costume, accessoire. Félicitations. C'est le plus beau spectacle que j'ai jamais vu. Et Oscar, n'exagérez pas en disant que vous étiez de grands artistes. Mais Mais parlons maintenant de choses sérieuses. Voilà, j'ai une proposition à vous faire. Je sais qu'en ce moment, vous n'avez pas d'engagement, que vous avez même des dettes, enfin bref, que votre situation n'est pas très brillante. Eh bien, il ne tient qu'à vous de sortir de ce mauvais pas. Comment ? Mais que proposez-vous ? Eh bien, il m'est venu la fantaisie de devenir impresario. Si vous êtes d'accord, je vous engage tous, et à des conditions telles qu'aucun d'entre vous ne le regrettera. Je n'ai pas l'habitude de marchander, c'est donc vous-même qui fixerez le montant de vos cachets. Bien, je pense que vous êtes d'accord. Attendez, je ne vous ai pas tout expliqué. Il se peut que je vous emmène très loin d'ici et que nous soyons obligés de faire un long voyage. Cela nous va, quand le départ? Oui, quand? Ça, je n'en sais rien encore. Peut-être dans 3 semaines, peut-être dans 1 mois, peut-être plus tard. Mais à partir de demain, vous toucherez vos appointements comme si vous étiez déjà entré en fonction. C'est tout ce que je puis vous dire. Le reste est un secret qui me concerne seul. Oh ben ça alors ? Enfin, je suis bien content que vous ayez engagé mes amis, mais je vois pas très bien ce que vous comptez en faire. Je suis sûr que Lord Buridan prépare une de ses fameuses excentricités. Mais pas du tout. Je suis très très sérieux, Génor. Voilà, je vais utiliser tous ces individus dont l'adresse, la force et l'agilité sont extraordinaires, et je vais les utiliser à faire le siège de l'île des Pendus. Le siège de l'île des Pendus ? Mais oui. Et je suis sûr que dans une pareille circonstance, les nageurs, les Hercules, les acrobates seront nos plus précieux collaborateurs. Ça, c'est une bonne idée, mais tout ce monde-là ne tiendra jamais sur la revanche. Ah, très juste, Oscar. Eh bien, je vais acheter mon propre yacht. Comme cela, nous naviguerons de conserve avec la revanche. Cela va prendre encore du temps. Sûrement pas. Je suis sûr que mon yacht sera prêt avant la revanche. En plus, je suis sûr que la main rouge sabote sa construction. Mon bateau, lui, sera construit dans le plus grand secret. Mais surtout, ne parlez à personne de ce projet. Oh bah bien sûr. Bien sûr. Et comment vous l'appellerez, votre bateau ? Ah, tiens, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Que diriez-vous de l'Ariel ? Oh, l'Ariel ! Ah ouais, c'est un beau nom pour un bateau. Eh oui, Oscar a raison. L'Ariel est un très beau nom pour un bateau. Pour un bateau, bien sûr. Mais Lord Buridan et ses amis tomberont-ils dans le piège que leur a tendu Cornelius ? La main rouge réussira-t-elle à s'emparer de la revanche ? Eh bien, vous le saurez en continuant d'écouter le mystérieux docteur Cornelius. Prochain épisode, le guet-apens. C'était Le mystérieux docteur Cornelius, feuilleton d'Edith Lauria, d'après le roman de Gustave Le Rouge. 17e épisode, La bodega du vieux grillage. Avec Michel Bouquet, Jean Topard, Marc de Géorgie, Pierre Vanek, Albert Medina, André Weber, José Valverde, Marianne Épin, Jean-Pierre Joris. Musique du générique Jean Vienner, bruitage Louis Matabon, chef opérateur du son Bernard Charon, collaboration technique Noélie Louis-Marie, assistante Brigitte Bouvier, réalisation Alain Barou. Première diffusion sur France Culture le 19 janvier 1978. À réécouter en ligne ou à télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission.